Pandnamé, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar, par le baron Sylvestre de Sacy, édition de Bure, 1819. Vie de Ferid et Dinatar, extrait de l'histoire des poètes de Daulat Chaghazi de Samarcande. Attar, dont le nom est Mohamed fils d'Ibrahim, et qui porte le surnom de Nishabouri, fut un personnage d'un mérite très distingué, et ses vertus naturelles n'étaient altérées par aucun défaut. On a dit de ses discours qu'ils étaient le fouet des hommes spirituels. Dans la pratique des préceptes divins, il n'avait pas son pareil, et pour ce qui est de la piété tendre et de la dévotion la plus affectueuse et la plus ardente, il fut comme le flambeau de son siècle. On peut dire qu'il était submergé dans l'océan de la connaissance de Dieu, et qu'il plongeait dans la mer de l'intuition de la divinité. Son genre de talent ne doit point être considéré comme un talent poétique, toutes ses paroles ont une tendance mystique, et ce serait se méprendre que de le regarder simplement comme un poète. Attar tirait son origine de Kerkène. Dans quelques manuscrits on lit Kerkène, village du territoire de Nishabour. Il parvint à un âge très avancé, et l'on dit qu'il vécut 114 ans. Il naquit le 6 de Chaban de l'an 513, 1119 à 20 de Jésus-Christ, sous le règne du sultan Sendjar fils de Mlik Shah. Il passa 29 ans de sa vie à Nishabour, et 85 ans à Shadbak. Cette dernière ville fut détruite 3 ans après la mort violente d'Attar. Il fut lié avec un grand nombre d'hommes de mérite et de cheikhs illustres, et vécut dans la société de plusieurs célèbres contemplatifs. Il avait lu et rassemblé 1400 volumes, composés par les maîtres de la vie spirituelle. À la fin de ses jours, il était parvenu à ce degré de spiritualité qu'on nomme l'anéantissement, et il vivait dans la retraite la plus absolue et dans la pratique habituelle des exercices de piété. Note. Sur l'anéantissement. Le mot employé dans le texte indique un haut degré d'avancement dans la vie spirituelle, le renoncement à soi-même, à toutes les choses du monde, et même au bien de l'autre monde, enfin un quiétisme absolu. Fin de la note. Azizi, parlant des tremblements de terre arrivés à diverses reprises à Nishabour, dit, 3 tremblements de terre se sont fait sentir à 3 époques distinctes, d'abord en l'année 500 et quelques, arriva celui qui changea cette ville en un désert, le second eut lieu en l'année 630, et le troisième en l'année 808. Un manuscrit porte 608, ce qui est certainement une faute, il paraît que notre auteur ne cite ces vers que pour mieux déterminer l'époque de la mort d'Attar, mais alors il aurait dû adopter pour cette époque l'année 627, et l'on verra par la suite qu'il semble hésiter entre cette date et les années 629 et 632. Voici ce qui donna lieu à la conversion de notre cheikh. Son père, qui exerçait à Shadbak la profession d'épicier droguiste, et qui jouissait dans son état d'une très grande considération, étant mort, Ferid Din lui succéda dans l'exercice de la même profession. Il avait une boutique très élégante, qui attirait les regards du public et flattait également les yeux et l'odorat. Un jour que le cheikh était assis sur le devant de sa boutique avec l'apparence d'un homme important, et que des commis fort lestes se tenaient debout devant lui en attendant ses ordres, un maniaque, ou, pour mieux dire, un religieux très avancé dans la vie spirituelle, vint à la porte de la boutique, et jeta des regards curieux et empressés dans le magasin, bien plus. On vit ses yeux se remplir de larmes, et des soupirs s'exhalèrent de sa poitrine. Le cheikh adressant la parole au derviche, lui dit, Pourquoi regarder ainsi avec des yeux égarés? Tu ferais beaucoup mieux de passer ton chemin. Seigneur, répartit le derviche, quant à moi, mon paquet est bien léger, car je n'ai rien que ce froc, mais vous, avec ces sacs pleins de drogues précieuses, quand il faudra partir, comment vous y prendrez-vous? Je puis sortir promptement de ce bazar, pour vous, vous feriez bien de vous occuper d'avance, arrangez vos paquets et votre bagage, il serait prudent de réfléchir un peu sur votre situation. Le discours de cet illuminé répandit un profond chagrin dans l'âme du cheik, son cœur, par un effet du délire où l'avait jeté l'odeur du musc sophistiqué des biens temporels, devint aussi froid que le camphre. Il abandonna sa boutique au pillage, et renonça entièrement aux affaires de ce monde. Il se livra aux gémissements, qui remplacèrent pour lui les occupations du commerce, de prisonnier qu'il était auparavant dans les liens de l'ambition et du lucre. Il devint captif sous les lois de la mélancolie, mais d'une mélancolie qui procure la véritable liberté, et qui anéantit le luxe et l'étalage de la vanité. En un mot, disant au monde un adieu sans retour, il se retira dans le monastère du vénérable cheikh Rokneddin Akaf, qui était alors l'un des chefs les plus distingués de l'ordre des contemplatifs, et était parvenu au plus parfait degré de la spiritualité. Sous sa conduite, Attar changea de vie, et se livra aux exercices de la mortification et à la pratique des œuvres de dévotion. Il passa quelques années parmi les derviches, disciples de ce saint homme. Ensuite il fit le pèlerinage de la Mecque, et ayant fait connaissance avec un grand nombre d'hommes de Dieu, et passé quelque temps à leur service, il consacra 70 ans de sa vie à recueillir une multitude d'anecdotes de la vie des soufis et des cheikhs. Aucun des hommes qui ont appartenu à cet ordre n'a ramassé autant de traits historiques de ce genre que Feridedin, aucun aussi n'a pénétré plus profondément que lui dans le sens des expressions énigmatiques et des allégories mystiques, et n'a saisi avec autant de perfection les pensées les plus sublimes et les plus subtiles de la doctrine spirituelle. Pour tout dire en un mot, c'était un océan gonflé et débordé. Toute son énergie était employée à dompter ses inclinations. Caché dans une profonde retraite, sa porte n'était ouverte à personne, les mystères de la spiritualité s'offraient à lui par milliers et à découvert, dans sa cellule, comme autant de beautés encore vierges qui laissent tomber leur voile en s'asseyant sur le trône conjugal. Les vérités les plus impénétrables et les plus inaccessibles à l'homme, partageaient le secret de sa retraite, comme la nouvelle épouse partage avec son époux l'appartement nuptial. Ces poésies sont trop connues, pour qu'on doive en parler ici en détail, et ces récits allégoriques et mystiques sont d'un genre trop relevé, pour qu'on leur donne place dans ce livre. Voici une aventure qui arriva, dit-on, lors de la mort de notre cheikh. Dans le temps même où il mourut, un fils du cadi suprême Yahya ben Saïd, qui était l'un des principaux habitants de Nishapur, fut appelé à paraître devant Dieu. On jugeait convenable d'enterrer ce jeune homme au pied du cheikh, mais le cadi s'y opposa, disant qu'il n'était pas décent que le fils d'un homme tel que lui eût sa sépulture sous les pieds d'un vieux radoteur. On enterra donc le jeune homme ailleurs. La nuit suivante le cadi eut un songe, il lui sembla qu'il se trouvait auprès de la sépulture d'Attar, que là étaient rassemblés les justes, les saints les plus éminents et les hommes de Dieu, avec 100 milliers de flambeaux rayonnant de lumière, et d'astres éclatant de la faveur divine, qui se levait de l'horizon de la vraie religion. L'assemblée de ces personnages vénérables semblait veiller, avec un profond respect, autour du tombeau où reposaient les restes du cheikh. Une telle réunion couvrit le cadi de confusion, il se retira sans oser s'y mêler. De retour chez lui, il lui sembla voir son fils qui, versant des larmes, et avec un extérieur profondément affligé et propre à inspirer la pitié, lui disait « Mon père, vous m'avez fait grand tort, en me privant du bonheur que j'aurais retiré de la visite des amis de Dieu, hâtez-vous de reconnaître que mon paradis est le lieu où se rassemblent les justes, et que la place où je dois reposer, est au pied d'Attar. » Le lendemain, de grand matin, le cadi vint faire ses excuses aux parents de Feridédine, il sollicita la permission de faire enterrer son fils au pied du cheikh, il reconnut sa faute, devint l'un des disciples et des plus zélés partisans d'Attar, et fit bâtir un édifice sur son tombeau. Cette sépulture est hors de la porte de Shadbak, en un lieu nommé Sheribazargan. Le monastère qu'on y avait construit était petit, et il était tombé en ruine, mais l'illustre émir Ali Shir, dont toutes les vues sont dirigées par un jugement saint, et pour le génie duquel il n'y a point de difficultés insurmontables, cet habile et excellent administrateur, le directeur de la religion, la droite de l'Empire, à qui l'un et l'autre doivent leur éclat et leur conservation, que l'assistance divine multiplie ses triomphes et prolonge ses jours, ayant formé le projet de consacrer tous ses soins à relever les monuments de la piété, et à remettre en vigueur les louables coutumes des grands hommes des siècles passés, a fait construire sur la sépulture d'Attar, qui est le rendez-vous des pèlerins et des dévots, un édifice dont l'éclatante beauté le dispute au jardin de Redouane, l'ange qui garde la porte du paradis, et dont l'aspect inspire plus de joie et charme davantage que celui des bosquets du paradis. Aussi les hommes de ce siècle ne cessent-ils de célébrer le mérite de cette mine de toutes sortes de biens, et de ce centre de toutes les bonnes œuvres, en répétant ce vers. Deux choses sont la source du salut, une bonne renommée et un juste discernement, passé cela, tout ce qui est sur la terre rentre dans le néant. Confer Coran 55-26. Daigne le Très-Haut, en l'honneur du prophète et de sa glorieuse lignée, accorder constamment son assistance salutaire à cet illustre émir, et ordonner au bonheur de ne jamais abandonner celui qui est une mer de science et un océan de foi. Outre ses mesnevis, le cheikh a laissé un recueil de poèmes qui contient 40 000 vers, et l'on compte dans ce nombre 12 400. En fait de livres relatifs à son ordre, il a composé le Tezkirat al-Avliya, ou Vie des Saints. On lui attribue aussi quelques autres traités, par exemple, celui qui est intitulé Igvan al-Safa et d'autres. Parmi ses ouvrages en vers, ceux qui sont connus sont les suivants, Asrarnameh, Laïnameh, Mozibenameh, Jevairalda, Vaziyenameh, Nameïsia, Mantik al-Tahir, Bulbulnameh, Aïdarnameh, Gulvormuz, Chuturnameh, Mokhtarnameh, en tout 12 ouvrages. On dit cependant qu'il a composé 40 ouvrages en vers, mais que ceux que nous n'avons pas nommés, ont été négligés et ne sont pas connus. Si l'on réunit ses élégies, ses odes, ses petites pièces, ses quatrains, ses livres en vers, et ses mesnevis, le tout fait 100 000 vers et plus. Quelle mer que celle dont les flots ont jeté sur le rivage de la vie une telle abondance de perles de pensées utiles. Pour attirer sur nous les bénédictions du ciel, nous transcrirons ici quelques vers tirés des élégies du cheikh. Ô toi qui es venu dans le bazar, le visage caché sous un voile, un monde entier a été enchaîné par la vertu magique de tes attraits. Un seul rayon s'est échappé de ta face, et l'univers entier en a été illuminé. Tu n'as jeté qu'un seul grain de semence, et tout ce que nous voyons a été chargé de fruits. Cette élégie se trouve dans le recueil dont j'ai parlé, elle y commence ainsi, et se compose de 28 distiques. Parmi ces élégies, il y en a plusieurs excellentes sur le système de l'unité. Il ne faut pas entendre ici l'unité de Dieu, Touhid, fondement principal de l'islamisme. Quelques-unes de ces élégies ont été commentées par les plus grands hommes. Le Sayyid Zeddin Amoli s'occupait habituellement à commenter les poèmes d'Attar. Il a même fait un commentaire en vers sur le poème dont nous venons de citer quelques lignes. Voici un des poèmes d'Attar sur l'unité, qui est d'une beauté très remarquable. Louange au Créateur dont les attributs, par leur ineffable excellence, renversent la raison des prophètes eux-mêmes sur la poussière de l'impuissance, c'est-à-dire que les attributs de Dieu sont au-dessus de l'intelligence des prophètes eux-mêmes. Quand toutes les créatures s'occuperaient durant 100 000 ans à méditer sur la nature de sa divine majesté, elles finiraient par s'écrier, en faisant l'aveu de l'inutilité de leurs efforts, ô Dieu, tout le fruit que nous avons recueilli de nos longues méditations, c'est de savoir que nous ne savons rien. Là où un océan sans borne agite l'immensité de ses flots, une goutte de rosée, produite par la fraîcheur de la nuit, peut-elle prétendre à être aperçue? Là où l'éclat du tonnerre déchire l'oreille des sphères célestes, une mouche enfermée dans une bouteille pourrait-elle faire entendre son bourdonnement? Les ténèbres peuvent-elles subsister à côté de la lumière de l'essence divine? La pleine lune peut-elle paraître sur l'horizon, quand le soleil est près d'atteindre le faîte du ciel? Ce n'est ici qu'une petite portion de cette élégie, qui est la première du divan d'Attar dans le recueil de ses œuvres. Elle est composée de 152 vers, et le texte, tel qu'on le lit ici, diffère beaucoup de celui de ce manuscrit. Sur la fin de ses jours, Ferid Din renonça entièrement à la poésie, et si quelquefois il lui survenait une pensée ingénieuse, il l'exprimait dans un quatrain. Voici deux quatrains qu'il a composés dans les derniers temps de sa vie. Tout ce qui existe pour notre avantage, se changera pour nous en un sujet d'affliction et d'épreuve. Quand la dissolution menacera notre existence, tout ce qui contribue à maintenir l'union entre les parties de notre être, deviendra la cause de notre anéantissement. J'étais un oiseau envolé du séjour des mystères, dans l'espoir d'enlever de ce bas monde quelques conquêtes, n'ayant trouvé aucun être digne d'être admis à la communication des secrets de la divinité, je m'en suis allé par où j'étais venu. Le cheikh Ferid Din fut fait prisonnier par les Moghols, lors des troubles qu'occasionna l'invasion de Gengis Khan, et périt dans le massacre général. Ce qui fut cause de sa mort, c'est que le perroquet de son âme sainte s'ennuyait d'être renfermé dans la prison du corps, et ne désirait que de s'en échapper pour s'envoler vers le champ de canne à sucre de l'union avec la divinité. En conséquence, il hâtait lui-même sa mort. Un Moghol, dit-on, voulant le tuer, un autre Moghol lui dit, « Laisse vivre ce vieillard. Je te donnerai 1000 pièces d'argent pour prix de son sang. » Le Moghol paraissant vouloir l'épargner, Attar lui dit, « Garde-toi bien de me vendre à si bon marché, car tu trouveras des gens qui m'achèteront plus cher. » À quelque distance de là, le Moghol eut de nouveau la fantaisie de le tuer, mais une autre personne l'arrêta, en lui disant, « Ne tue pas cet homme, je te donnerai pour son rachat un sac de paille. Vends-moi, dis aussitôt Attar, car c'est tout ce que je vaux. » C'est ainsi que le cheikh avala la coupe du martyr et fut élevé au rang de ceux qui meurent pour la foi. Sa mort arriva le 10 de Jumadi seconde de l'année 627, ou, suivant quelques historiens, 632 ou 629. Le froc que portait le cheikh Ferid ed-Din Attar remontait, comme une source de bénédiction, à l'illustre derviche Mejaddin de Bagdad, le sultan des contemplatifs, la gloire des martyrs. Dans son enfance, Attar avait eu le bonheur de voir le cheikh Haïdar, le pôle du monde, Kerken, lieu de la naissance d'Attar, et dans les environs de Zaveh, et Ibrahim ben Ishaq Attar Kerkeni, père de Ferid ed-Din, avait été disciple de Kotbeddin Haïdar. Dans sa jeunesse, notre cheikh composa envers le Haïdar Namé. Comme c'est un ouvrage de sa jeunesse, il ne ressemble pas à ses autres compositions, mais cela n'empêche pas que Ferid ed-Din en soit véritablement l'auteur. Quelques personnes cependant croient que cet ouvrage a été écrit par des disciples de Haïdar, qui l'ont mis sous le nom de Ferid ed-Din, mais c'est une erreur. Kotbeddin Haïdar était un moine errant et un parfait illuminé, les mystiques sont partisans de Haïdar, et Haïdar était livré à la spiritualité et à la contemplation. Il vécut 110 ans, et même, si l'on en croit quelques personnes, 140 ans, il tirait son origine des camps du Turkestan. Son père se nommait Salur Khan. Haïdar était illuminé dès le ventre de sa mère. Ses actions merveilleuses et ses vertus singulières sont bien connues. Il mourut en l'année 597, 1200 de Jésus-Christ, et fut enterré à Zaveh. Quelques personnes reculent la date de sa mort jusqu'à l'année 602, 1205. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.